بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دونك بإذن الله تبارك وتعالى Nous continuons dans le livre Durarou Al-Bahiyya, qui est le livre du Cheikh Al-Imam Mohammed bin Ali Al-Shawkani, Rahimahullah, expliqué par le Cheikh Ali ibn Mukhtar Al-Ramli, qui l'a nommé Fadlu Rabbi Al-Bahiyya, Bisharhi Durarou Al-Bahiyya. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, le grand chapitre de la prière, et aujourd'hui nous allons lire Babu Sujud Assa, Babu Sujud Issa, qui est le chapitre de la prosternation de distraction, c'est-à-dire lorsqu'une personne fait la salat et qu'il oublie, il fait une erreur dans la prière, que cette erreur soit ziyada ou naqs, une augmentation ou bien une diminution, alors il doit réparer cela par deux sujoud. C'est ce qu'on appelle sujoud sahw. Les gens ont l'habitude de dire qabla et puis ba'da. Tayyib. Qala al-mu'allif. Le mu'allif, qui est l'auteur du livre, il dit wa huwa sajdatan, c'est deux sujoud, qabla at-taslim, avant le salam, ou ba'da, ou bien après le salam. Sajdatan, avant le salam ou bien après le salam. Donc le Cheikh Ali Ramli dit sujoud sahw sajdatani akhir as-salah, c'est deux sujoud à la fin de la prière. Imma, soit qabla at-taslim, avant le salam, qu'on appelle qabla, ou ba'da, ou bien après le salam qu'on appelle ba'da. Wa yakunu sujoud as-sahw, alors la prosternation de distraction se fait li jabri, pour compenser ma hasala fi sala, ce qui est arrivé dans la prière, min ziyada, comme augmentation, ou naqsin, ou bien diminution, ou shakkin, ou bien doute, ou irghaman li shaitan. Irgham, c'est ijbar, c'est-à-dire le fait que le shaitan te fait oublier et t'induit en erreur. قوله sa parole بإحرام بإحرام ici أي بتكبير ça va. Le sajdatan se fait par le takbir. فقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم, cela est venu de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Abu Hurayra في ذكر قصة ذي اليدين, dans la mention du récit de ذو اليدين. نعم. فرجع فصلى ركعتين الباقيتين, dans le récit de ذو اليدين, c'est le compagnon qui a dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم Anasita am qusirati salah. Le jour, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait deux rakats et il est sorti de la mosquée. Et le compagnon lui a dit Anasita, as-tu oublié am qusirati salah? Ou bien la prière a été raccourcie. Il devait normalement faire quatre rakats, mais il a fait deux rakats. Donc, le compagnon lui a posé cette question. Donc c'est dans ce hadith-là, qui est le hadith de ذو اليدين. Faraja. Donc lorsque le compagnon lui a dit cela, il s'est retourné fassalla rak'ataini al-baqiyatayn. Il a prié les deux rakat qui restaient. Summa kabbara. Ensuite il a fait le takbir. Fasajada misla sujudihi. Il a fait comme pareil à son sujoud ou atwal ou bien plus long. Summa kabbara. Ensuite il a fait le takbir. Farafa ra'sahu. Il a levé la tête. Ça fait premier sujoud. Summa kabbara. Ensuite il a fait le takbir. Il est descendu. Misla sujudihi. Pareil au sujoud qu'il a fait. Ou atwal ou bien plus long. Summa rafa ra'sahu. Ensuite il a levé la tête. Donc, qawluhu bi tashahhud. La parole de l'imam Shawkani, bi tashahhud. Naam. La parole de l'imam Shawkani, bi tashahhud. Wa bi tashahhud, c'est-à-dire, warada bi zalika thalatha ahadith. Le tashahhud c'est quoi? Ici, lorsque tu fais ce jour de sahou, est-ce que tu dois faire le tashahhud? On sait que le premier tashahhud, même lorsque c'est qabla, on fait d'abord le tashahhud, on finit le tashahhud, on fait les deux sujoud. Est-ce que après les deux sujoud, on fait tashahhud encore? Que ce soit qabla ou bien ba'da? Mafoum? Donc, il dit sur le Cheikh Ali Ramli, il dit « Warada bizalika salasatu ahadith ». Il y a trois hadiths qui sont venus à ce sujet, mais « Kulluha do'if ». Tous les trois hadiths sont do'if. « La yassihu minha shay ». Rien n'est authentique de ces hadiths-là. « Wal ahadithu allati fi sahihayn » et les hadiths qui sont dans les deux authentiques. « Laysa fiha zikru tashahhud ». Il n'y a pas la mention du tashahhud après les deux sujouds de distraction. Donc, ce qui veut dire que, lorsque tu finis les deux sujouds, tu lances le salam. Mafoum? Yani tu sallim, qawluhu, wa tahlil. Et ensuite le tahlil. Le tahlil ici, ça veut dire yani tu sallim. Lorsque tu finis les deux sujouds, qu'est-ce que tu fais? Hein? تسلم فقد ورد في صحيحين وغيرهما c'est venu dans les deux authentiques et autres que les deux authentiques أنه سلم بعد السجود السهو il a lancé le salam après le sujoud السهو منها parmi ces hadiths il y a le hadith de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a prié خمسا, cinq rakat. فقالوا إنك صليت خمسا. On lui a dit, tu as fait cinq rakat. فانتفل. Ça va? فانتفل ثم سجل سجدتين ثم سلم. فانتفل يعني انصرف. Il s'est levé, il allait. ثم سجد سجدتين. Il a fait deux sujoud, summa salama. Il a fait maintenant le taslim. Donc dans le hadith, ici il y a le taslim, n'est-ce pas? Summa qal, ensuite le messager d'Allah sur al-salam, il a dit, innama ana basharu mislukum. Je ne suis qu'un homme comme vous. Ansa, j'oublie, kama tansaoun. Comme vous oubliez. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ Si l'un d'entre vous oublie, فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ Qu'il fasse deux sujoud. Le hadith est muttafaqun. Allez. Ça va? Donc, هذا hadith يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ سُجُدِ السَّوْ Après le sujoud du saw, on fait le taslim. Ensuite, le mu'allif, il dit, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit, yushra'u, c'est autorisé, l'itarki masnoun, lorsqu'on délaisse une sunnah, de faire sujoud, as-sahw, ولزيادة et lorsqu'il y a un ajout ولو ركعة سهوة même si on ajoute une rakat par distraction ولشك et lorsqu'on doute aussi في العدد dans le nombre lorsqu'on doute dans le nombre on fait aussi sujud de ça ma fond dans le Cheikh Ali Ramli pose la question mata yushra'u sujud de ça quand est-ce qu'il est autorisé de faire ce sujud de ça as-sahi ce qui est authentique annahu yushra'u inda kulli sa que c'est autorisé de le faire lors de toute distraction. Ça va? Le Kawli sallallahu alayhi wa sallam fil hadith mutaqaddim. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a précédé. Qu'est-ce qu'il a dit? Faiza nasiya ahadukum falyasjud sajida ta'in. Hadam. N'est-ce pas? Sawa an kana sah. Que la distraction soit biziyada, chez, en augmentant une chose, menjin si sola, de la prière. Quelque chose qui s'augmente de la prière. Ou, binoxwan, ou bien par la diminution. Wa kazalika yushrau inda shak. C'est le même, alors, on le fait lorsqu'il y a un doute. C'est permis de le faire lorsqu'il y a un doute. كشك في العدد في ركعات في عدد ركعات comme le doute dans le nombre des ركعات فإذا شككت si tu doutes ولم تدري mais tu ne sais pas صليت أربعا أو ثلاثا tu as prié 4 ركعات ou bien 3 ركعات qu'est-ce que tu dois faire فجعلها ثلاثا Alors, base-toi sur le nombre inférieur. Ça va? Si tu doutes entre deux nombres dans la prière, j'ai fait 4 à 4 ou bien j'ai fait 3 à 4. Tu te bases sur le nombre inférieur. Ça va? Faja'alaha salasan. Si c'est entre 4 et 3, tu te bases sur 3. Summa akmil arrabi. Ensuite, complète le quatrième. Summa sujud. Ensuite, fais le sujud sajdatayn. Deux sajdatayn qabla an tusallima. Avant de faire le salam. Ça va? Les hadiths d'Abi Saïd, à cause du hadith d'Abu Saïd qui est dans les deux authentiques. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Iza shakka ahadukum fi salatihi. Si l'un d'entre vous doute dans sa prière, falam yadri kam salla. Il ne sait pas combien de raka'a. Il a prié salasan ou arba. Il a prié 4 ou bien 3 ou 4. Fal yatrah ash-shak. Qu'il cherche d'abord à se débarrasser du doute. Ça va? Qu'il rejette. Wal yabni, mais qui se base à la mastaïqana. Si ce sur quoi il est sûr. Ça va? C'est-à-dire, s'il y a un doute qui vient, tu fais l'effort d'abord de savoir, de faire l'effort de est-ce que c'est réellement 4. Si tu es sûr, si le yakin vient, que tu es sûr que c'est 4 que tu as fait, alors tu rejettes le doute ici. Et tu te vas sur les 4. Mais c'est lorsque tu n'arrives pas à faire le tardir, c'est-à-dire entre les deux nombres, tu n'arrives pas à mettre un nombre au-dessus, en ce moment tu fais quoi? Tu te bases sur le plus petit. Ça va? Summa yasjudu sajdatayn. Ensuite, il fait deux sujoud, qabla an yusallima. Avant de lancer le salam. Ça va? طيب فإن كان صلى خمسا سيل أبريي 5 سوا فإن كان صلى خمسا سيل أبريي 5 شفعنا له صلاة ici Cette ibara m'a beaucoup fatigué. Ça m'a beaucoup fatigué. J'étais en train de réfléchir dessus. Et puis, je ne comprenais pas. Donc, j'ai contacté l'auteur du livre, qui est le Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah. Je lui ai posé la question, Ici, Shafi'i Nala ou Salatu, ici, il a prié 5. Je n'ai pas compris. Donc, le Cheikh, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, Yani, il fait, au lieu de 5, il ne s'arrête pas à 5. Yadjal Salata ou Sitan. Il fait 6 rakat. Badal Khamsan. Au lieu de faire 5. Parce que s'il a déjà prié 5 rakat et il est assis, il complète à 6. Ça va? Et il lance la salam. Mafoum? Il dit, لأنها ليس صلاة وتر. Parce que ce n'est pas witr. فلا يجوز أن تبقى وترا. Ce n'est pas permis que ça soit witr. Donc voici ça. Ça va? Ce n'est pas permis que ça reste witr. Maintenant, si tu as oublié que tu as fait 5, normalement tu es en train de faire 4 à 4. Ça va? Et tu as fait 5. Taïeb? Si tu as fait 5, que tu as fini de faire les 5, tu complètes à 6. Ça va? Et tu fais ce jeu de ça. Mafon? J'ai du mal à comprendre. Hein? Mais j'ai posé la question à l'auteur de ce qu'il m'a dit. Ça va? Fa'inkana salla khamsan. S'il a prié 5, alors il rend sa prière en chef. C'est ce que ça veut dire. Il fait 6e. Wa in kana salla itmaman lil arba, mais s'il a prié pour compléter les 4, il pensait que c'était 5, kana targhiman li shaytan. C'est le shaytan qui s'est amusé avec lui. Mafoum? Tayyib. Naam. Non, si c'est déjà assis, il lance le salam. Ça va? Non, ici, il s'agit de celui qui voulait faire 4 à 4, mais il a fait 5. Il se retrouve à 5 à 4. Ça va? Donc, puisqu'il n'y a pas de prière impaire, il ne va pas s'asseoir pour lancer le salam, c'est ça. Donc, il complète à 6. Ça va? Des doutes, non. Non. الأمر التوقيفي سيدنا الحديث من صلى الله عليه وسلم ولم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطر الشق وليبني على مثقل ثم يسجد سجدتين صلى قبل أن يسلم صلى ici nous sommes en train de parler du doute صلى si par exemple il doute entre 5, ça va, et 4, il se bat sur combien? Il se bat sur 4. Mais s'il doute en 6 et puis 5, il se bat sur combien? Sur les 5. On prend toujours le nombre inférieur. Maintenant, si c'est 5, il fait quoi? Il complète. Ça va? Voyez. Après, vous aurez le temps de poser la question pour mieux comprendre. Non. Tu t'assois. Si tu es rappelé en haut que c'est 5, tu t'assois. Non, dans le cas où tu es arrivé au taslim du cinquième, que tu te rends compte que tu es au cinquième, tu es au taslim, tu complètes. Tu fais sixième. C'est compris maintenant? Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Voilà pourquoi j'ai posé la question au cher. Hein? Alors qu'on avait déjà étudié ça, mais mon idée n'était pas allée sur ça. Ma foi, il y a le fait d'étudier et le fait d'enseigner. C'est deux choses différentes. Hein? Voilà pourquoi certains savants, même si les étudiants étudiaient chez eux, ce n'est pas tout le monde qui donnait l'autorisation d'enseigner, même s'il a étudié. Ce n'est pas tout le monde. C'est à d'autres qui donnaient la ijaza. On appelle ça ijaza. Ils donnent l'autorisation d'enseigner. Ça va? وَهَذَا إِذَا لَمْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّي شَيْءٍ بَعْدَ الشَّكْرِ. Vous voyez maintenant, si rien n'a pris le dessus sur sa pensée après le doute, وَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّي شَيْءٍ. Mais si quelque chose a pris le dessus, c'est-à-dire entre 2 rakat ou 3 rakat, ou entre 3 rakat et puis 4 rakat, فَلْيَفْعَلْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ. Qui se base si ce que sa pensée a pris le dessus dessus. C'est-à-dire entre 2, 3. Ta pensée, tu penses bien que c'est 3. C'est-à-dire, ghalabatu zon, c'est 3. Donc tu te bases sur 3. Mais lorsque tu n'arrives pas à faire le tarjih, tu n'arrives pas à mettre un nombre au-dessus de l'autre, c'est en ce moment que tu te bases sur le nombre inférieur. Ça va? طيب ثم يسجد بعد السلام ensuite il fait le sujoud après le salam وذلك لحديث بن مسعود et cela à cause du hadith ibn Mas'ud qui est dans les deux authentiques قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit إذا شك أحدكم في صلاته si l'un d'entre vous doute dans sa prière qu'il fasse l'effort de trouver ce qui est exact. C'est-à-dire qu'il fasse l'effort de trouver Ghalabatu Zon. Ça va? Maintenant, Falyutim Ma'ali, et qu'il complète. Summa Yusallim. Ensuite, il fait le taslim. Summa Yasjudu Sajidatay. Ensuite, il fait deux sujoud. Ça va? Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim et c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Donc ici, je pense qu'on a compris. Hein? Hassan, tu n'as pas compris? Non, ça c'est ce qu'il y avait, c'est ce que j'ai compris. Oui. Parce que là, je ne comprends pas la différence entre les deux. C'est que le cas qu'il avait évoqué là, c'était le cas du tout. C'est quel soujoud? Bada ou bien Kobla? Oui, au fait, il avait dit que c'est que le chèque avait dit, il avait dit qu'on fait ça avant. Non. Maintenant, le Hadith, je vois que c'est le même cas au fait. Je suis en train de prier et je doute entre 3 et 4. Et je décide après avoir fait. N'a pas compris les deux Hadiths. Le premier Hadith, lorsque tu doutes, tu n'arrives pas à faire le tarjih, tu te bases sur le nombre. Et tu fais deux sujets à quel moment? Maintenant, le deuxième hadith, lorsque tu te bases sur une certitude, tu fais deux soujouds après. Tu as compris maintenant? Toyeb. Mais à la cour les had, moi je suis le mazhab de ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence. Entre Qabla et Ibada. Non. Et on va le voir ici. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Non, mazhab. Hein? Yeah. Kala facilite. Non, suis Dalil. Hein? Vous êtes Fatah, tu es dans quel mazhab? Hein? Hanbaliya. Malikit. Kala facilite. قال المؤلف رحمه الله وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم هلا si l'imam fait les deux sujoud de sahou celui qui suit l'imam il suit l'imam dans les deux sujoud ça va طيب وذلك لما ورد من الأمر بمتابعة الإمام cela à cause de l'ordre qui est venu dans le fait de suivre l'imam. Voilà pourquoi certains savants ils vont dire que même si tu manques la prière, tu manques la prière et que l'imam lance le salam, toi tu dois te lever pour compléter. Donc il dit de si l'imam fait celui de Saou, tu fais avec lui et ensuite tu t'élèves. Ça va? Même s'il fait après la salam. Ça va? Parce que ici, wa idha sajada al-imam taba'ahu al-mu'tam. Wa zalika lima warada min al-amri bi mutaba'ati al-imam. Car l'ordre est venu pour suivre l'imam. Innama ju'ila al-imam yutamma bi. Wa la yasjudu al-mu'tam wahda. Celui qui suit l'imam ne doit pas faire le sujud lui seul. Idha saha khalf al-imam. S'il a une distraction derrière l'imam. Ça va? Par exemple, lui, il a oublié de réciter Subhanallah Rabbi al-A'la. Dans le sujoud. Ça, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Donc, s'il est derrière l'imam, lui, il ne fait pas de sujoud de ça. Ça va? Si lui fait l'erreur, tant qu'il est derrière l'imam, il ne fait pas de sujoud de ça. Le Qawli Israël alayhi sallam, à cause de la parole du prophète sallam innama ju'ila al-imam yutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Ne divergez pas avec votre imam quand il a été placé pour être suivi. Mafoum? Tayyib. Wa amma mawdi'u sujud. Quant à l'endroit du sujud, ba'da ou bien qabla. Le cheikh dit fa sahih anna al-musalli mukhayyar. Ce qui est authentique est que celui qui prie, c'est lui qui choisit. Baina ayas juda qabla salam. Entre le fait de faire le sujud qabla salam ou ba'da. Ou bien après. Faqad ja'at al ahadith bi hadha wa hadha. Les hadiths sont venus dire ceci et cela. Qabla ba'da. Wala khilaf. Et il n'y a pas de divergence بين العلماء entre les savants على أن من سجد قبل السلام أو بعده que celui qui a fait sujoud قبل السلام ou bien بعد السلام فصلاته صحيحة sa prière authentique وإنما اختلافوا في الأفضل ils ont divergé si c'est qui est mieux هذا أقرب والله أعلم. C'est plus proche. Akrab min al-sawab. L'anna din yusr. La religion est facilitée. Si on vient chauffer la tête, qabla, ba'da, qabla. Hein? Je fais discours. On devait faire qabla, on devait faire. Non. Le Cheikh Usaymin, rahimahullah, il a un livre qui est sujoud de Sahou. Il détaille beaucoup. Mais lui, il donne là où on a fait Qabla, là où on a fait Ba'da. Donc, lisez cela. C'est un livre qui est très moufid. Si vous n'avez pas, je vais vous envoyer un PDF. Ceux qui ont la capacité de lire, lisez. Là-bas, il détaille à quel moment on a fait Qabla, à quel moment on a fait Ba'da, avec les hadiths, Sahiha. Lakin, si tu connais ça, ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Lakin, al-aqrab, c'est al-musalli mukhayyar. c'est lui qui choisit. Ça va? Les hadiths sont venus avec ceci et cela. Ça va? Donc, il y a des questions? Maintenant, si vous voulez savoir, j'ajoute cela. Le délaissement d'un plié ne se répare pas avec celui de sang. Non. Il faut revenir sur le plié ou bien reprendre la raka. C'est-à-dire annuler la raka où tu as délaissé le plié. Si par exemple quelqu'un a laissé Roko dans une raka et qui s'est rappelé avant d'arriver à l'autre Roko qui est dans l'autre raka, il revient faire le Roko qu'il a laissé et il continue. Ça va? S'il a laissé Surat al-Fatiha, il a laissé la Surat al-Fatiha, c'est brillé. Donc, s'il est en soujoud, qui s'est rappelé qu'il a oublié Surat al-Fatiha, il revient, il laisse le soujoud. Il revient, il s'arrête encore, il récite Surat al-Fatiha, et puis maintenant il va en ruku, il se lève, il va en soujoud normalement. Jusqu'à finir la prière, et il fait soujoud de sahou. Ça va? Soujoud de sahou. Qabla, ba'da, bien sûr. Non. Même s'il a repris, même s'il a annulé la raka, il fait ce jeu de sang. Parce que c'est un sahou. Hein? C'est un sahou. C'est une distraction dans la prière. Le sujet de sahou est mashru undikudli sahouin. Ou bien, on a vu ça? Non. Donc, c'est la Bouddha, non? Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a un khilaf sur la masala, mais ce que j'ai dit là, c'est ce que moi j'ai au radje. Si tu suis, voilà pourquoi c'est demander à ceux qui suivent l'imam de ne pas s'élever directement quand l'imam lance le premier salam. Donc s'élève directement. L'imam n'a pas encore fini. Donc quand il lance les deux salams, s'il doit faire sur le sahou, il va directement. En ce moment, pour certains savants, tu dois le suivre. Parce que le cheikh Shaukani aussi, il est sur cette parole, il dit wa idha sajada al-imam taba'ahu al-mut. Voyez. Donc, babul qada'i lil fawa'id. Dans le chapitre que nous allons voir, c'est le chapitre Al-Qada, c'est le remboursement des fawa'id, des prières manquées, ratées. Ça va? Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre dit Babul Qada'i lil fawa'id. Chapitre le remboursement des prières manquées ou ratées. Ça va? Al-Qada, dans la langue arabe, ça veut dire Al-Hukum. Al-Hukum, c'est la sentence. Voilà pourquoi celui qui donne la sentence, le juge, on l'appelle Qadi. Ça va? Al-Qada. Qada, ça veut dire beaucoup de choses. Qada, ça veut dire tuer même une personne. Ça va? Comme elle a dit, Fawa Kazahu Moussa, Fa Qada Ali. N'est-ce pas? Donc, qada, ça veut dire aussi rembourser. Mais ici, on prend d'abord dans la langue arabe, ici, l'ouratan, ça veut dire al-hukum. Voyati biman al-ada. Ça vient aussi dans le sens d'exécuter. Ada. Ça va? Wasilahan, dans le silah inda al-fuqaha, chez les savants du fiqh. Iqa'u l'ibada. Ça va? Advenir une adoration kharij. C'est le fait de venir avec une adoration kharij. Waqtiha alladhi ayyanahu shara li maslahatin fi. Faire venir une adoration qui est sortie de son temps que le shari. Ça va? Ou bien la sharia a précisé à cause d'un intérêt. Ou bien à cause d'un bienfait. Ça veut dire quoi? Le fait de rembourser cette prière, tu rembourses la prière à un moment où la prière a passé. N'est-ce pas? La charia avait dit par exemple, Zour, c'est heure de Zour. Maintenant, tu as eu une excuse, arrivé à heure de Zour, tu dors, par exemple. Et après, tu te lèves, il est Asr. Donc, ce que tu viens rembourser, c'est quoi? C'est le fait de faire venir cette adoration, kharijun waqtiha, qui est sorti de son temps, allazi ayyana wa shara, que la charia a précisé. Le temps que la charia a précisé, maintenant, les maslahatin fi, pour un intérêt. Ça va? Et l'intérêt ici, c'est l'oubli. Ça va? Al-ada, le ada indahum, chez les savants de fiqh, c'est iqa'ul ibada. Ada ici, c'est exécuter. C'est de faire venir une adoration fi waqtiha al-mu'ayyan. Hein? Dans son temps précisé, laha shara'an, dans la charia. Par exemple, zour, le fait de prier zour à son heure, on appelle cela ada. Mais le fait de prier zour, si son heure est sortie parce que tu dormais, on appelle ça qada. Vous comprenez? Donc, hada farqu bayna al-ada wa al-qada. Mafhoum? Al-i'ada. Al-i'ada. C'est quoi? Ma fu'ila fi waqti al-ada li khalali fi al-fi'l al-awwal. C'est ce qui a été fait dans le moment de l'exécution de la prière à cause d'un défaut dans la première prière. C'est ça qu'on appelle al-i'ada. I'ada, c'est quoi? Le fait que j'ai pris zour et je me suis rappelé que j'ai pas récité Fatiha jusqu'à la fin des zour et j'ai fini mon zour. Ma prière est bâti. Donc je reprends la prière. Ça va? Donc, c'est ce qu'on appelle al-i'ada. Al-fa'ita. Al-fa'ita, hiya allati kharaja waqtuha. C'est ce que son heure est sortie, wa lam tu'adda fi. Et on n'a pas prié à son heure. C'est ce qu'est al-fa'ita. Manqué. Ça va? ولكن هل تقضى الصلاة الفائتة؟ Est-ce qu'on rembourse la prière qui a été manquée? Ici, il y a un ikhtilaf qawi. Jiddan. Non, on rembourse. Mais le ikhtilaf est basé sur quoi? C'est basé sur celui qui a manqué la prière de Uzr. Et celui qui a manqué la prière, le ghayr osr. Il a manqué la prière pour une excuse. Et l'autre, il a manqué la prière, il n'avait pas d'excuse. C'est-à-dire, il s'est assis, en train de faire quelque chose, tel que ceux qui vont s'asseoir dans le terrain pour regarder le match, jusqu'à l'heure de la prière sort. أكثر العلماء والجمهور يديس كسليلا même si il a remboursé sa prière la tuqbal. La prière est remboursée et acceptée, le remboursement est accepté pour celui qui l'a délaissé pour une excuse. إما يكون نائما وإما يكون ناسيا. Il a oublié, il dort, donc celui-là, si il l'heure de la prière passe, qui rembourse, alors c'est accepté. Mais s'il a laissé l'heure de la prière passer, volontairement et il vient, il dit, il veut rembourser, as-sahi, an-na-salatu la tanfa'u. Sa prière n'est de aucune utilité pour lui. Hein? Moussafiran. Moussafir, c'est une excuse. Il peut être moussafir, mais les savants sont allés très loin dans le côté du moussafir. Ça va? Moussafir, comme aujourd'hui, avant le safar, il pouvait s'arrêter pour prier. Mais maintenant, souvent, les gens se trouvent dans des cars. Et c'est difficile pour s'arrêter pour prier. Non. Moi, ça m'arrive. Hein? Non. Non, voilà pourquoi il est autorisé pour le moussafir de faire djam au tahir, au tajil, au taqdim. On peut le dire comme ça. Tu fais djam au tahir. Par exemple, Zour et puis Asr, Maghrib et puis Isha. Ce sont les deux prières qu'on fait djam au-dessus. N'est-ce pas? On ne fait pas djam au Fajr, Zour. Donc, Djamo entre Zour et Asr. Djamo entre Maghrib et Isha. Maghrib et Isha, c'est ce que les gens connaissent beaucoup ici. Dès que le ciel fait broum, on commence à regarder le ciel. Ils sont dit tiens. Ils vont m'en faire Djamo. Donc, tout le monde connaît ça. Mais on fait les deux Djamo. Et le Djamo est autorisé pour le Moussafir. Par exemple, si tu quittes ici, Abidjan, tu vas aller quelque part, jusqu'à Yamoussoukro ou bien Bouaké, dans une autre ville. Mais tu sais que ici, Zour va arriver, ça va me trouver en voyage. Donc tu prends l'intention de retarder ton djamo jusqu'à Asr. Et tu pries les deux à Asr. On appelle cela djamo tahir. Si tu veux aussi, tu sais que le Asr, ça va trouver que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Donc tu prends Zour et puis Asr, Djamo, Taqdim. Ça va? Tu dévances le Djamo, tu fais Zour et Asr à l'heure de Zour. Donc tu peux retarder aussi jusqu'à Asr, prier Zour et Asr à l'heure de Asr. Maintenant, Maghrib Isha, tu peux prier Isha et Maghrib à l'heure de Maghrib. Comme tu peux prier Maghrib et Isha à l'heure de Isha. Ça va? Mais il peut arriver que la personne soit vraiment dans une difficulté. Parce que, je prends l'exemple des cars. Les cars, souvent, ils ne s'arrêtent pas pour que la personne prie. Ça va? Donc, l'heure du jour va passer, Asr va passer. Dans ce moment, il a raté les deux prières. Donc, il rattrape à quel moment? Dans ce moment, les savants ils disent, l'heure de la prière, on doit préserver la prière à son heure. Donc, qu'il prie selon la direction de la voiture. Même si c'est une prière obligatoire. Ça va? Qu'il prie selon la direction de la voiture. S'il ne peut pas s'arrêter, qu'il s'assied pour prier. Sur son siège. Qu'il fasse mouvement, pas avec la tête, avec le corps. Ça va? S'il doit faire roukou, il essaie de se pencher. En sujoud, il se penche plus que en roukou. Ça va? Hatta yu'addi as-salah. Mais qu'il ne laisse pas les deux temps passer. Ça va? Les deux temps passés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, il a expliqué cela bien avant d'expliquer salat al-khawf. Dans surat al-Nisa. Salat al-khawf, il a expliqué wa idha kunta fihim faqamta lahum salat. Il a fini d'expliquer cela. Maintenant, il est venu dire inna salata naam na wala al-mu'minina kitaban mawquta. pour montrer que la prière, même dans un état de difficulté où on est face à l'ennemi, Allah nous a dit de prier. Ça va? Donc, est-ce que c'est toi, c'est dans le cas, tu ne vas pas le faire? Hein? Non. Donc, en ce moment, les savants ont autorisé de faire la prière selon ta situation. Mais, tu fais d'abord l'effort de savoir, est-ce que je vais arriver à l'heure d'une prière? Ça va? Parmi ces deux prières de diamant, si tu vas arriver à l'heure de Asr ou à l'heure de Isha, ça va? Le Isha, ça s'étend jusqu'à peut-être tard dans la nuit. Tu peux le faire. Ça va? Tu peux faire les deux. Mais si tu trouves que vraiment c'est difficile, surtout Fajr, vous êtes en train de voyager l'heure de Fajr, tu fais comment? Fajr là, tu ne vas pas rattraper ça d'une autre manière. N'est-ce pas? Donc tu pries à la Halik. Ça va? Tu pries à la Halik. Parce que c'est une situation qui est très, très, très, très difficile. Et on ne doit pas laisser l'heure de la prière passer. Hatta ajabani qawla ibn Taymiyyah fi fatawa as-salah. Sa parole m'a étonné. La fatawa as-salah. Et ici, quelqu'un se trouve fil hammam. Fil hammam. Dans la douche. Et qu'il est l'heure de la prière. Et que peut-être la douche se ferme. Ou bien il y a une situation qui le rend, qui l'empêche de sortir de la douche. Et qui sait que l'heure de la prière va passer, il prie dans la douche. Azadjib. Hein? Non. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc tout ça pour vous montrer l'importance de l'heure de la prière. L'importance qu'il y a dans l'heure de la prière. Non. Non. Si après la personne, une fois que la personne est en conscience, non. La personne a quand même retardé la prière. Non. Est-ce que là. On a vu ici que celui qui s'évanouit, il doit rembourser ou il n'a pas remboursé. On a vu ici. On a vu. Qui me rappelle? On a vu. On a parlé de cela ici, non? Il n'a pas sa raison. Le comme. Le fou. Est-ce que le fou rattrape la prière qu'il a eue dans la folie? Donc celui qui s'est venu n'a pas de prière à rattraper. Voilà, celui qui dormait doit rattraper la prière. Doit rembourser la prière. Parce que le hadith est clair ici. Ça va? Le hadith est très clair. Une heure de prière. Il s'est levé dans une heure de prière. Par exemple, la personne a dormi. L'heure de la prière est quand ça est passé. Non. Quand il s'est réveillé, il n'a pas fait la prière directement. Voilà, instantanément, il a commencé à. Bon, il a parlé à une occupation. Il a négligé encore. Donc ici, on va voir dans le livre ici que l'heure de la prière de celui qui a dormi et oublié, c'est lorsqu'il se rappelle. S'il laisse ce moment passer, il ne rattrape plus. Mafou? S'il laisse ce moment passer, il ne rattrape plus. Sa question, c'est une très bonne question. Ça va? Parce que dans le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Zanama ahadukum, si l'un d'entre vous dort, ça va? Ou nasiya, ou bien il a oublié, fal yusalliha ila zakara, qu'il le prie lorsqu'il s'y rappelle. » Ça va? Donc les savants, ils disent, même ici, ce qu'on va voir dans la semaine prochaine, Inch'Allah, C'est que le Cheikh Ali Romli, il va mentionner que l'heure de la prière de celui qui dormait, c'est le moment où il s'est réveillé. L'heure de sa prière. Voilà pourquoi il va aller à dire même qu'on n'appelle pas cela le remboursement. On n'appelle pas cela Ada. Mais on appelle heure, et on n'appelle pas cela Qada, mais on appelle cela Ada à fond. On appelle cela l'exécution de sa prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous dort ou oublie, fali soliha iza zakara, qu'il le prie lorsqu'il se rappelle. Donc, son heure de prière, c'est lorsque il s'est rappelé. Hatta le mu'allif va aller à dire que, sauf la prière de Eid, qui, lorsque tu manques la prière de Eid, tu le rembourses le deuxième jour. Ça va? Le deuxième jour. Par exemple, tu as manqué prière de Eid parce que tu n'as pas vu la lune. Donc le lendemain, tu as commencé à gêner. Mais les gens sont allés faire prière de Eid. Ça va? Donc, Imam Shawkani dit, le lendemain, tu le pries à la même heure. Et c'est une masala aussi qui est très vaste. Et Inch'Allah, on va voir cela. Bismillah. Ça va? Il y a des questions? On va s'arrêter ici. Non? Non. Non. Non, si on l'a fait dormir, il rentre dans le cas de celui qui dort, pas de celui qui a perdu la raison. Ça va? Non. Par exemple, le fait de recouper les deux prières. Un exemple, une personne qui fait un voyage, que la personne pense que avant d'arriver à la destination, l'heure de Hajj va sortir. Non. Non. Maintenant, il arrive que le véhicule est roulé plus rapidement et que à l'heure des hâtes, il arrive à destination. Est-ce qu'il reprend la prière des hâtes? Il ne reprend pas. Normalement, les savants même se divergent sur le qasr et en est sur le diamant du voyageur. Mais ce qui est sahih, c'est que le voyageur peut faire diamant autant que lui-même. Il sait que ça serait difficile pour lui de faire les deux prières en même temps. Parce que c'est le tarsif qui est qui est pour le voyageur. Voilà pourquoi le qasr est permis. C'est une sunna même de faire le qasr, c'est-à-dire de raccourcir les prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas les rawatib quand il était en voyage. Sauf, qui peut me rappeler, sunna de l'fajr, avec le 8, qui ne délaissait pas. Sinon, les autres rawatib ne faisaient pas lorsqu'il était en voyage. Il raccourcissait. Donc, beaucoup parmi les savants montrent que tu peux même raccourcir même si tu n'es pas en train de rouler. Ça va? Tu peux raccourcir. Ça va? Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.